t'aperçois que la vie est vide de sens. La première fois que tu te rends compte qu'il y a moins de haut que down. Quand tu te demandes c'est quoi le but de l'existence. Pourquoi à travers le monde la haine est si présente. Pourquoi l'être humain fait preuve d'autant d'inconscience. Pourquoi quand tu dis la vérité même ça dérange. Comment tu réagis en voyant une des boys se lancer devant un train pour alléger sa souffrance. Pourquoi la fille est si dure à comprendre. Pourquoi tu es pas là pour nous répondre. Pourquoi l'avenir semble aussi sombre. Qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que ça ressemble plus d'un cauchemar qu'un rêve au bout du compte. Les choses vont mal à l'horizon c'est plus profond. Après la pluie et le beau temps on a tous entre le sol et plomb. Sur terre règne une ambiance d'apocalypse. On espère le meilleur pour demain mais on reste réaliste. Les choses vont mal à l'horizon c'est plus profond. Après la pluie et le beau temps on a tous entre le sol et plomb. Sur terre règne une ambiance d'apocalypse. On espère le meilleur pour demain mais on reste réaliste. Je dresse un portrait plutôt sombre de notre époque. Plusieurs d'entre nous ont ton cœur classé comme le rock. La grande majorité vit sous l'effet du stress. Sentiment désagréable comme un couteau dans la chaise. L'instinct et l'animal prend le dessus. On s'en prend plus faible pour sortir gagnant, prêt à bafouer toutes les règles. Y'a trop de jeunes en détresse. Trop de monde pour qui la vie. C'est juste une question de business. Plus on avance, plus on s'éloigne. La vérité mélange la fiction de la réalité. Assis devant nos écrans, check la gare comme une série télévisée. On change de canal pour essayer de déculpabiliser. Plusieurs on est des criminels. Mais on sait bien que ceux qui contournent les lois sont souvent ceux qui tirent les ficelles. Je regarde les kids grandir, je vois se mentir à eux-mêmes. En voulant jouer la game, celle où y'a pas de gagnant. Toujours un plus fort ou un plus grand. De toute façon on finit tous pieds sous terre au même rang. Y'a trop d'ignorants qui ferment les yeux sur ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'ils ont peur de ceux qui ont plus rien à perdre et qui sont prêts à se battre. Faut qu'on puisse au meilleur pour changer de cap. Y'en a trop qui en arrachent, trop de monde qui rage. Comme des prisonniers dans une cage. Les choses vont mal, à l'horizon c'est plus profond. Après la pluie et le beau temps, on a tous en tête sur les plombs. Sur terre règne une ambiance d'apocalypse. On espère le meilleur pour demain mais on reste réaliste. Les choses vont mal, à l'horizon c'est plus profond. Après la pluie et le beau temps, on a tous en tête sur les plombs. Sur terre règne une ambiance d'apocalypse. On espère le meilleur pour demain mais on reste réaliste. Pourquoi quand on parle de mon pays on parle de paradis. Pourtant y'a tellement de monde ici qui rêve d'une autre vie. Le taux de suicide augmente à chaque année chez nous. Les gens ont mal de vivre, des gens heureux, il y en a pas beaucoup. On lance un cri d'alarme, écœuré de voir couler autant de larmes. Devant des gens statiques, devant autant de drames. Toutes les questions de cash, dommage, la vie vaut plus qu'une pile de pièces. Ouvre les yeux avant que ça pète en pleine face. Qu'est-ce que tu fais quand t'as le sentiment que t'es loin de contrôler ce qui s'en vient en avant. Comme tout le monde, ça fait peur de pas savoir ce qui t'attend. J'espère le meilleur, mais j'y crois pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Les choses vont mal, à l'horizon c'est plus profond. Après la pluie et le beau temps, on a tous en tête sur les plombs. Sur terre règne une ambiance d'apocalypse. On espère le meilleur pour demain mais on reste réaliste. Les choses vont mal, à l'horizon c'est plus profond. Après la pluie et le beau temps, on a tous en tête sur les plombs. Sur terre règne une ambiance d'apocalypse. On espère le meilleur pour demain mais on reste réaliste. Réaliste, réaliste, réaliste. Escape de notre musique, c'est notre seul espoir. Je vois trop, on est pas le genre de ceux qui se laissent choix. Yo, le beat drop un autre produit, continue de parler. Le dream team du rap québécois continue de blow et performer. Chaque fois que je flow, c'est trop easy. Y'a trop de freaks dans l'industrie, ça c'est mon avis. Y'a trop de monde que j'aille, y'a trop de faux récits. Trop qui pensent connaître la vraie définition de MC. Mais c'est plus dur que ça, que juste flosser. Puis faire des screwface dans l'inge de ta mère, viens t'acheter. J'suis sûr, mais j'vois pas. Rien trop tanné de me répéter. Ben oui, mon rap est à télé, man. Y'a rien qui a changé, mon équipe. On fait partie des plus détestés. Tu penses quoi? Tu capotes? On est ici pour rester. Je suis juste un bum comme toi. J'aimerais ça être payé sans travailler pour un trou de cul de boss qui veut te contrôler. Ça me fait chier. On jacasse sur moi quand je me retiens. Ça me fait chier. Ceux qui parlent fort, ils connaissent rien. Pour être franc, man, j'haïs la vie. Mais je vais essayer d'en profiter le peu de temps que j'ai ici. Fait d'ici là. Toi ben que je me crisse de toi. Ben je vois pas pourquoi tu fais pas la même chose quand tu me vois. Garçon, t'aimes pas ma gueule? Eh ben regarde ailleurs. Si tu veux faire la guerre, engage-toi, je deviens artilleur. Ça t'irait bien, tu pourrais tuer pour rien, ça te ferait du bien. Et en plus personne ne dirait rien. Pendant que tu fous la merde partout, moi je nous cherche une issue. Pendant que tu craches partout, fais en sorte qu'ils ne soient pas déçus. Y'en a que ça n'amuse pas du tout et d'autres qui trouvent ça drôle. Mais faut s'y faire, chacun son but, chacun son rôle. Le mien est indéterminé. Terminé, une sorte d'épidémie, finiront bien par m'éliminer. En attendant, je fais ce que j'aime, je manie les mots. Pas le genre d'MC qui déconne, manie les mots. L'E3 est fracas sur le mixtape Escape. On n'est pas pour les miettes, on veut les grands steaks. Et yo, à chaque soir, vive de notre musique, c'est notre seul espoir. On travaille fort, on n'est pas le genre de ceux qui se laissent jouer. L'E3 est fracas sur le mixtape Escape. On n'est pas pour les miettes, on veut les grands steaks. Et yo, à chaque soir, vive de notre musique, c'est notre seul espoir. On travaille fort, on n'est pas le genre de ceux qui se laissent jouer. Ça fait déjà une couple d'années qu'on s'organise, qu'on augmente la mise, qu'on prend des risques pour qu'au Québec le mouvement grandisse. Pour que ceux qui croyaient pas en notre musique se repentissent. C'est trop tard pour m'arrêter. J'ai trop fait de sacrifices. Y'a beaucoup de choses qui ont évolué dans le milieu. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour que ça vaut le mieux. Pour que finalement l'industrie se rouvre les yeux. Rap québécois mérite sa place. Ouvre les yeux. Impossible de continuer à se cacher. La relève se prépare, on arrive comme une bande d'affamés. Comme des kamikazes prêts à tout faire exploser. On veut se faire entendre, pis s'il faut on va s'imposer. On représente une grande majorité de la jeunesse qui vive le hip-hop. Aux quatre coins de la province ça progresse. Écœuré d'être les négligés, on sent obligé de revendiquer. Parce qu'on veut voir les choses changer. J'ai l'impression que tout a commencé hier. Le rap game, pour moi ça fait déjà 7 ans. Je te jure que le vibe est plus le même. Aujourd'hui les groupes arrivent de partout. Les MC crashent sur les mixtapes. Moi j'suis toujours au rendez-vous. Les DJ spin d'un club balance du hip-hop. À travers le Québec le mouvement prend forme. On veut frapper fort, explicite, dans une catégorie à part. On fait les choses de notre façon même si t'es pas d'accord. Personne peut m'en vouloir si mes affaires marchent. Parce que tout le monde sait que tu ferais pareil à ma place. Dans un monde rempli de snakes, de fake, de putes rapaces. Où c'est si facile de vendre son cul pour du cash. 2003 j'suis en mission, j'défonce les portes sans permission. On veut notre place dans l'industrie sans condition. Dans ma tête, peu de réponses pour beaucoup de questions. Mais j'vis avec, pour moi le rap, ça va plus loin que le pognon. 2003, L'E3 est fracas sur le mixtape Escape. On n'est pas pour les miettes, on veut les grands steaks. Et yo, à chaque soir, vive de notre musique, c'est notre seul espoir. On travaille fort, on n'est pas le genre de ceux qui se laissent jouer. 2003, L'E3 est fracas sur le mixtape Escape. On n'est pas pour les miettes, on veut les grands steaks. Et yo, à chaque soir, vive de notre musique, c'est notre seul espoir. On travaille fort, on n'est pas le genre de ceux qui se laissent jouer.